Les États-Unis et les bellicistes sud-coréens ont commencé le 22 courant les manœuvres conjointes Ulti Freedom Guardian, simulacre de la première frappe nucléaire contre notre République, en dépit de la protestation du dedans et du dehors du pays, selon Yonhap sud-coréen. Le 18 courant, à la veille des manœuvres, l'armée sud-coréenne a perpétré la provocation de canonnades inouïes le long du front, avec des centaines de canons de diverses sortes et des avions de reconnaissance sans pilote. Le 19, elle a lancé une soixantaine de chasseurs, d'hélicoptères et d'avions de transport aux exercices combinés visant la suppression préalable de nos forces stratégiques et la frappe de précision contre les objectifs importants. Précédemment, les trois séries de bombardiers stratégiques nucléaires américains B-52H, B-1B et B-2A ont été déployés à l'île de Guam pour monter au front. Des dizaines de milliers de troupiers américains, plus de 50 000 militaires sud-coréens, des centaines de milliers de civils sud-coréens et des effectifs des pays suivistes des États-Unis participent à ces manœuvres prévues jusqu'au 2 septembre.